Là, juste à l'instant, c'était Ainsley Goldie avec The Hurts Is the Lonely Hunter. Alors bien, hein. Bah écoute, super bon, bonne découverte, hein, comme d'hab. Mm-hmm. C'est toujours comme ça, on commence toujours calmement. Ah, une superbe voix, cet homme. Je sais que c'est des voix que tu aimes, que tu apprécies. Ah, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. Un petit coucou à notre ami Pascal qui nous regarde. Ouais. Gros bisous. Bisous, passe. Voilà, on se reverra bientôt en concert, ouais, j'en suis sûr. Voilà, oui. À se bientôt. Croiser, hein. Bientôt, à mon avis, bientôt. Mon petit doigt me dit peut-être même dimanche. Le prochain. Une des grandes voix aussi, enfin c'était une grande voix parce que bon, en vieillissant, puis un peu les à côté qu'il y a, même pour moi ça restera quand même une grande voix dans les top 5 du métal. Il s'agit de Gofstedt, Gofstedt qui était l'ancien chanteur de Queensryche, qui s'est séparé du groupe, mais il a pu garder le nom du groupe Operation My Crime. On a passé il n'y a pas longtemps ça. Oui, mais là ça continue, ça tombe. Oui, ça tombe. Et ça c'est les contrats. Et alors, peut-être une tournée. Allez, Goff, j'espère, viens. Hein. Oh oui, j'ai envie, trop envie. Ah, parce envie. Que c'est super bien, ça, c'est bon. Hein, ouais. Ouais. Et là, on va s'écouter Wake Me Up. Bah, j'ai déjà passé du Wake Me Up. Ouais, ouais. oui. Mais c'est un autre groupe. C'était pour me refaire chanter. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti avec Operation My Crime. We'll be right back. Voilà, donc c'était Operation Mindcrime avec Wake Me Up. Ben, très magnifique. Bon, hein. Très bon. Ouais, hein. Ouais. Voilà. On espère les voir bientôt. Bah, j'espère que ça va tourner. Oui, moi aussi. Alors, le prochain avant, normalement, de retrouver le groupe Attraction Theory ici au téléphone dans Rive d'Enfer. On va d'abord s'écouter Salem Lot avec Enigma. L'album s'appelle Mask of Morality. Un petit morceau que j'aime bien aussi. Ben voilà, le téléphone va sonner là. Le téléphone retentit. Voilà. C'est pas mal du tout, quand même, Salem Lot. Ouais, ça joue vite. Ça joue très vite. Alors voilà, donc on a. Donc, que je dise pas de bêtises, Didier. Et je vais le faire passer sur antenne. Alors je dis allô. Allô, allô, Eric. Voilà, en forme. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc on a Didier donc, qui est le guitariste et aussi, on peut dire, l'arrangeur du groupe Attraction Theory. Voilà, donc là on t'a au bout du fil pour la sortie de, on peut dire, de l'EP, hein. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Principia, c'est ça. Principia. Principia, voilà. D'abord, ma première question, ça n'a vraiment pas rapport du tout avec Attraction Theory. D'accord, bah, je raccroche. Ton ressenti par la grande perte de grand monsieur comme Malcolm? Bah écoute. Certainement beaucoup de tristesse, comme beaucoup, parce que je fais partie de la génération Back in Black, moi, donc ça a été mon premier album de hard rock. Donc évidemment, d'avoir une. Comme ça, bon, même si on savait qu'il était malheureusement un petit peu en retrait depuis quelques années, moi je les ai vus au Stade de France quand ils sont venus, non pas avec Axel, mais sur la tournée d'avant. Et bon, c'était déjà plus lui, malheureusement. Donc. Bon voilà, on a toujours cette tendance à les groupes qui nous ont portés et à se dire mince qui va prendre cette place là et puis d'un autre côté tu dis que s'il a tellement enfin voilà la musique est là et c'est ce que j'ai mis sur la page après c'est que voilà on dit que les étoiles meurent jamais et celle-là va pas finir d'éclairer quoi parce que je pense qu'il a clairement voilà, CDC, ça fait quand même partie des groupes de rock et ou de hard rock qui ont marqué vraiment plusieurs générations et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, donc bien évidemment beaucoup de tristesse. On n'est jamais content quand ces héros s'en vont, quoi. Donc, voilà. Ok, maintenant revenons un peu à Attraction Theory. D'abord, on va un peu présenter le groupe et comment est né ce groupe. En fait, le groupe est né de ma rencontre avec Constance, chanteuse, bien sûr. En fait, on s'est retrouvé dans une soirée qui est organisée par un directeur artistique d'une marque de guitare, en fait, qui organisait des sortes d'happy hour où, en fait, il invitait plein de gens, des endorseurs, des artistes, des producteurs, etc. Donc, je me suis retrouvé à passer dans cette soirée. Et Constance était là, en venant me voir, parce qu'elle devait travailler avec... elle devait enregistrer avec un groupe qui enregistrait chez moi, puisque moi, je suis producteur, j'ai un studio en région parisienne. Mm-hmm. Bon, finalement, ce projet s'est pas fait. Elle m'a rappelé quelques semaines après pour un autre projet où elle enregistrait un duo pour un groupe anglais. Et donc, elle m'a demandé d'enregistrer ses voix. Et elle est venue donc au studio pour recorder ses voix. Et donc là, j'ai entendu chanter... En vrai, parce que je connaissais sa voix sur album, etc. Mais bon, et là, tiens, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a commencé à écrire des chansons, sans but précis dans un premier temps. On savait pas trop si ça finirait sur un album à elle, à moi, ou quoi que ce soit. Puis quand on a vu que ça se passait plutôt bien, voilà, on a commencé à penser à former un groupe, quoi. D'accord. Et comment... Simplement. Et comment se passent justement les compositions, vu que tu es plutôt dans l'arrangement? Est-ce que c'est toi qui gères tout, ou c'est plutôt chacun met un peu sa main à la pâte, sa pâte? Écoute, oui. Là c'est toujours pareil, c'est que moi je fais de la réalisation, c'est-à-dire que les artistes ou les maisons de disques, moi je suis là en gros pour trouver des solutions pour aider à valoriser des chansons ou des groupes, ou des artistes ou des chanteurs. Donc en fait, il n'y a pas de règles. Moi, le but est de trouver le bon habillage pour tout le monde, en fait. Donc certains me demandent que de faire de la prise de son, d'autres de réaliser, d'arranger un petit peu. Mais quand c'est des projets dans lesquels je suis investi en tant que compositeur et tout ça, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que là, à la base, l'idée il est né avec Constance. On a fait les premières chansons tous les deux en se disant, tiens, on va voir où ça va nous mener. Donc sans contrainte particulière, sans même de style de musique particulier au début, parce qu'on a commencé à écrire des trucs guitare acoustique, voix, et sans trop se mettre de cadre. Ensuite les titres inspire eux-mêmes, ils disent, tiens, quand même, là, on mettrait bien un coup d'énergie, donc on va quand même rebrancher 3-4 guitares pour voir comment ça se passe, et puis voilà, et puis en fait, la couleur est née comme ça, mais du coup, là, c'était vraiment le concept du groupe au départ, c'était pas forcément de se mettre de règles, donc en fait, il y a eu des titres qu'on a fait avec Constance, certains autres, soit le texte, soit l'arrangement, a été fait avec d'autres gens. Christophe a mis son grain de sel, le bassiste, sur Silent Signs. On a fait une cover, on a fait... Bon, voilà, il y a eu des collaborations qui sont faites. Et puis, moi, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne et de rendre un peu d'unité dans tout ça. Mais le but était vraiment de créer un projet sans trop se mettre de barrières, en se disant, voilà, sans se mettre un cahier des charges, bon, on va faire comme ci ou comme ça. Donc en fait, du coup, il n'y a pas de généralité. La seule chose qui nous guidait, c'était qu'il fallait évidemment que la direction nous plaise, et à Constance et à moi. Et lorsqu'on a choisi les collaborations avec les uns ou avec les autres, quand c'est pas nous qui avons fait les chansons, le leitmotiv, c'était ça, quoi. C'était vraiment que nous, ça nous inspire des choses et qu'on a envie de travailler dessus. Donc voilà. Mais non, justement, le but, c'est pas de tout gérer, sinon ça s'appelle un groupe, ça reste un solo. Justement, là, le EP, il comporte 6 titres. Mais justement, tu parlais d'un cover, il y a Two Friends de Mike Oldfield. Pourquoi ce choix de reprendre du Mike Oldfield? Est-ce que c'est un monsieur aussi, toi, comme tu joues de la guitare, qui t'a aussi inspiré peut-être à la guitare? Paradoxalement, c'est plus les voix de Mike Oldfield qui, qui m'ont inspiré. Je suis un fan de voix féminine en général. Donc Maggie Reilly qui a chanté ce titre-là, qui a une voix claire, etc. J'aime bien la version. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un concert à Paris avec mon précédent groupe, avec Headline, et sur lequel on avait joué dans le cadre du PNFF il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et on avait invité des amis, des musiciens à nous rejoindre sur certains titres, et on avait invité Constance. Et donc, dans le moment, pour le PMFF, qui était Paris Metal France Festival, on avait dit, tiens, on va faire la cover de Michael Field, déjà pour le côté clin d'œil à la France, toi, et en fait, surtout aussi parce que Michael Field, c'est un artiste qui, du coup, nous interpelle un petit peu dans le fait où il n'y a pas vraiment d'étiquette, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des chansons populaires comme Two Friends, Song of the Light Shadow, il a fait de la musique de film, genre de l'exorciste, c'est lui, il a fait des albums de progressif avec les Tubular Bells, là c'est plus du Pink Floyd et c'est plus de la musique vraiment qui s'écoute que de la musique très facile d'accès, et le côté comme ça un peu multicarte, un peu musicien avec un grand thème nous avait bien plu, et quand Constance nous avait rejoint, en fait les gens avaient bien aimé la version, et là c'était aussi une manière de faire une carte de visite, c'est un artiste qui nous correspond peut-être pas forcément musicalement, mais en tout cas dans la démarche, de dire voilà, il n'y a pas forcément une étiquette unique, et donc voilà, donc on dit tiens, les gens avaient bien aimé ça, c'est un titre que tout le monde, en tout cas que beaucoup de gens connaissent, on avait la sensation qu'on pouvait lui apporter un autre regard, et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement, en fait, voilà, sans trop se poser de questions, donc tiens, c'est un titre avec une voix féminine, on pense qu'on peut lui amener un aspect un peu rock, un peu métal, qui n'existe pas dans la version d'origine, ni dans celle qu'on connaissait, donc voilà, quoi. Et est-ce que vous avez envoyé cette version-là à Michael Field ? On n'a pas, non, l'éditeur l'a eu fatalement, mais non, il n'a pas, sauf si l'éditeur lui a fait écouter, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il en ait eu connaissance. C'était bien évidemment dans les projets, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça a été déjà fait. En tout cas. Il a eu l'accord de l'éditeur, mais c'est tout. En tout cas, il peut l'écouter parce qu'elle est vraiment superbe, cette version, quoi. Merci beaucoup. Je voulais un peu parler aussi de l'artwork qui est vraiment. On regarde cet artwork, on pourrait penser aussi un peu qu'on passe du côté un peu prog, en regardant ça. On dirait pas du tout que c'est du. Qu'il y a des voix féminines et tout ça, si on regarde rien que le premier aspect, on dirait plutôt c'est un groupe de prog un peu à la Dream Theater, quoi. Ouais, on nous a fait la remarque régulièrement. Là encore, si tu veux, c'est toujours pareil. Je veux dire, parce que à partir du moment où tu fais un nouveau groupe, un nouveau projet, en tout cas notre manière de voir les choses, c'était pas d'avoir une nouvelle étiquette, parce que c'est toujours assez réducteur. Et on voulait illustrer surtout le nom du groupe, puisque Monstre EP, c'est vraiment une carte de visite. Le côté voix féminine, oui, ça par contre, ça a été un choix volontaire. On aurait pu faire, effectivement, comme certains groupes, mettre la chanteuse complètement en avant sur l'artwork. Et bon, là en fait, on voulait pas, et Constance voulait pas non plus de ce côté un peu réducteur, en disant tiens, c'est un groupe avec une chanteuse, le fameux terme qu'on entend en ce moment de métal à chanteuse, non, c'est un groupe certes un peu métal, il y a une chanteuse, mais on voulait pas se mettre un timbre en disant tiens voilà, on a mis la chanteuse en avant, et donc l'artwork il a plus été pensé pour présenter là encore le projet que le fait il y a absolument une chanteuse. Donc bon, après, forcément, lorsque c'est des choses qui sont un petit peu symboliques, etc., ça ramène à un univers qui peut faire penser à du prog. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on fasse spécialement du progressif. Mm-hmm. Bon, après, c'est une remarque qu'on a entendue. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que les gens découvrent une image qui les inspire et puis qu'ils soient identitaires. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a surtout cherché, c'est bon, voilà, c'est un Traction Theory, c'est quoi ? Après, on a des avis un peu différents. Il y en a qui retiennent le visage, d'autres les triangles. Mais en tout cas, c'est cette groupe avec la pochette avec les triangles ou avec la pochette avec le visage. Mais en fait, c'était vraiment ce qu'on voulait, plus que ah bah non, mais c'est le groupe avec une chanteuse en fait. Mmh. Attention, puisque tu parles de groupe avec une chanteuse, mais on n'est pas dans le symphonique, et ça c'est très bien aussi. Parce que justement, quand j'ai vu, moi j'ai reçu la galette de tonton, hein, mmh. et puis j'ai retourné, puis je vais waouh, chanteuse, j'avais peur de l'écouter au départ, même si bon, maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut, et j'étais vraiment surpris car franchement, The Eye déjà dégage une de ses énergies. Waouh, voilà quoi. Et je dis, ah, enfin, c'est pas encore une nénette qui va faire du synfo, quoi. Oui, oui, bah, ça, pour le coup, c'était effectivement un choix, parce que dans les précédents, bon, Constance a fait des projets dans le passé où elle était plus dans cet univers-là, où elle a tourné avec D-Lane, avec Epica, avec des groupes comme ça. Donc, elle a aussi un peu évolué dans certaines de ses formations, dans un univers un peu comme ça. Mais là, bien évidemment, elle avait, voilà, c'est des choses qu'elle avait déjà faites. Donc, pas spécialement pour le refaire, donc on a cherché quelque chose qui soit plus ouais, plus personnel, donc effectivement, à partir d'un moment où là c'est ici, si les titres t'ont interpellé, c'est une bonne chose, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. C'était justement pas de se dire bah tiens, on a une chanteuse, ça va chanter soprane ou avec des violons partout, etc. C'est dire bon, voilà, un chant féminin, c'est pas forcément une voix de soprano avec des violons et de la double grosse caisse, quoi. Donc bon, mais c'était effectivement aussi pour ça que qu'on a présenté le groupe d'une manière globale, pas spécialement la chanteuse en avant, etc. parce que effectivement il y a eu beaucoup de groupes qui a chanteuse, et que et à un moment donné on en a passé la musique qui jouait, quoi. On s'est arrêté juste au fait qu'il y ait une chanteuse, et c'est dommage, quoi, mais il y a plein de groupes qui ont des chanteuses et qui sont dans des univers radicalement différents, mais bon, il y a eu un moment où il y en a eu tellement qu'il y avait une sorte d'association chanteuse et un certain style de musique qui allait avec, alors je pense que l'offre est quand même assez large, quoi. Bon, c'est sûr qu'il y a des Tarja, etc., mais bon, entre In This Moment, Arch Enemy, bon, il y a quand même des chanteuses qui chantent des choses qui sont quand même radicalement différentes, quoi. Tout à fait. Justement, là, le bébé est arrivé, est-ce qu'il va y avoir des release parties, des promos? On est en plein dedans, on a fait une pré-release à Paris chez Gilbert Joseph. Il y en a d'autres qui sont en train de se monter là, qui vont être pour le coup des releases tout court, des showcases acoustiques, parce que bah voilà, pour l'instant on est agréablement surpris par l'accueil, et puis donc on va aller au-devant des gens peut-être un peu plus rapidement que ce qui était initialement prévu, mais oui, il y a des showcases acoustiques qui sont prévus pour le début de l'année, le concert électrique juste après, mais oui, il y a des choses qui sont en train de se monter. Ouais. Et des concerts de prévus aussi par chez nous éventuellement? Concerts là pour le coup plus sous forme de showcase, mais il va falloir attendre, je pense, le printemps là maintenant, là mars-avril pour qu'il y ait des choses en électrique, parce que là on va très vite arriver à la période des fêtes, donc c'est pas la période la plus propice aux concerts. En janvier on va y être très très vite aussi, et on repart, ce qu'on était allé déjà l'année d'avant, on va partir au NAM à Los Angeles, qui est un grand salon de la musique où on va probablement jouer, enfin en tout cas il y a des choses en train de se préparer aussi, on va jouer pareil sous forme de showcase, etc. Et donc à notre tour, là par contre il va y avoir des dates électriques, quoi. On a été contacté par plusieurs festivals, il y a des choses qui sont en train de se monter et en France et à l'étranger, donc il va falloir attendre mars pour nous voir en autre chose qu'en config de showcase, en tout cas. D'accord. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on puisse vous voir sur un des festivals d'été, peut-être en France, alors. Ah ben, c'est en train de se négocier. Mais, en tout cas, on a des demandes. Donc, on va voir comment ça se passe. Et puis voilà. En tout cas, on va jouer. Ça, c'est sûr. Ah ben voilà, donc que du bonheur, quoi. Oui, ben c'est sûr, hein, c'est ça. Justement, ma dernière question, puis je te laisserai tranquille, hein, parce que j'aime pas les faire trop. C'est toujours un plaisir de parler de ce qui s'intéresse à notre projet. Mm-hmm. Quel est, pour vous quatre dans le groupe, votre rêve d'ouvrir pour qui éventuellement? Ah, je sais pas si c'est tellement un rêve d'ouvrir pour qui, je sais pas en fait. Je te dirais honnêtement, je me suis pas réellement posé la question. Et puis les choses changent un peu avec le temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un groupe avec lequel on a joué avec des super artistes. Ouais, j'ai longtemps été méga fan de Dream Theater et je suis encore un peu moins de la période actuelle. Mais bon, voilà. Et donc, quand avec Headline, on avait joué avec eux, c'était évidemment un super moment. On a eu la chance avec ce groupe à jouer avec Symphonix, avec Evergrey, avec Angra, avec plein de groupes que l'on adorait. Bon, après, maintenant, je pense que c'est vraiment. Enfin, moi, je me pose plus vraiment la question dans ce sens-là, c'est de me dire, tiens, avec qui j'aimerais jouer. En fait, maintenant, ce que j'aime surtout, c'est de jouer devant des gens, quoi. Des gens qui vont apprécier notre musique, etc. Donc, je serais tenté de te dire, peu importe avec quel artiste, j'essaye de différencier les artistes que j'ai envie de voir en tant que spectateur, en tant qu'auditeur, des groupes avec lesquels, forcément, on va jouer, parce que des fois, c'est pas forcément les mêmes en fait. Toi, tu peux avoir envie d'aller voir des groupes mythiques, et que ça soit pas forcément la même audience. Et même là maintenant, je pense qu'on a juste envie d'aller au devant du public, d'aller jouer nos titres et espérant que ça leur plaise, de les faire participer, peu importe le contexte en fait. Toi, c'est plus ça. C'est aussi pour ça qu'il y a des acoustiques, il y a des électriques, enfin bon voilà. Mais bon, après, il y a toujours des artistes, c'est toujours flatteur quand tu te retrouves à jouer soit devant des grandes audiences ou soit devant des artistes que t'adores. Bon, il y en a toujours beaucoup, mais c'est vrai que je serais pas capable vraiment de dire un nom, dire parce que tu vois la musique d'Attraction, j'espère, est assez personnelle, tu vois, donc. Enfin, en tout cas, on essaye. Donc, je serais même pas capable de dire tiens, on va jouer devant, je vais dire Nickelback ou Alter Bridge, en disant parce que voilà, c'est vraiment un style ou en tout cas une musique qui nous définit et on serait content de jouer devant le même type de public parce que j'en sais rien. Donc, tu vois, moi, à la limite, ce qui me plairait, c'est de jouer devant des publics radicalement différents et que chacun y trouve un intérêt, quoi. C'est que si t'arrives à jouer devant le public d'Alter Bridge et celui de Cannibal Corpse et que les deux arrivent à trouver un intérêt dans ce que t'es en train de leur proposer, c'est surtout ça qui est d'arriver à captiver les gens qui est intéressant. Donc après, peu importe le contexte, en fait, c'est plus ça. Un clip en préparation ou déjà tourné? Oui. Là, il va y avoir des choses déjà, des teasers, et puis bon, il y avait des projets qui étaient prévus plutôt pour l'album, puisque l'album il va arriver l'année prochaine, mais bon là, vu que ça a l'air de bien se passer, on nous demande un peu de visuel, etc. Donc peut-être plutôt que ce qu'on avait prévu, mais oui, bon, là on est en train de penser, pareil, ça va certainement arriver en début d'année. D'accord. L'album est déjà pratiquement écrit, je suppose? Oui, tout à fait. Ouais. Bah, il y en avait une partie, puisqu'en fait l'idée c'était vraiment de se présenter, et donc on a choisi une partie de certains titres qui étaient déjà enregistrés pour pouvoir les mettre sur cette EP, mais on avait déjà d'autres titres qui étaient déjà prêts et enregistrés. Donc on va continuer d'en écrire et d'en enregistrer d'autres. Et puis voilà, l'album est prévu pour l'année prochaine, pour qu'il se passe. D'accord. Je vais te laisser choisir le titre que tu veux présenter de l'album, enfin du EP. Bah écoute, c'est moi qui vais te laisser le présenter. Tu as parlé de DI tout à l'heure, donc si celui-là t'a interpellé, let's go pour DI, c'est le premier de l'EP. Et allons-y pour celui-là. Une petite anecdote peut-être sur le titre. En premier lieu. Une petite anecdote peut-être sur ce titre, si tu en as une. Sur ce titre là, en anecdote, pas vraiment. Le thème, c'est un peu aussi fidèle au groupe, c'est-à-dire qu'on essaye de susciter un petit peu des questions, des réflexions en tout cas. Et en fait, ce morceau-là, il parle du regard, en disant que c'est la seule chose qui trahit jamais. C'est-à-dire qu'en finalement, c'est presque le seul point commun complet qu'il peut y avoir entre les gens, c'est-à-dire que finalement un regard ne ment jamais, quoi. Et même un regard animal ne ment jamais. Tout à fait. Toujours, tu vois toujours les gens peuvent se cacher derrière des postures, peuvent se cacher derrière des costumes, peuvent se cacher derrière quoi que ce soit, et que finalement la seule chose qui trahit jamais une intention ou quoi que ce soit, c'est le regard. Voilà, c'est ça, ta parole. Et ben voilà, je vais te laisser. Là, comme on dit dans le jargon, je vous souhaite bonne merde, hein, Didier. Merci beaucoup. Voilà, et j'espère vous voir très très bientôt ici dans le Nord, et pourquoi pas en Belgique aussi. Ouais. Bah, il y a des chances. En tout cas, on nous a contactés justement en Belgique, etc. Donc, il y a des chances qu'on vienne dans les parages. Quoi. Voilà, donc on va s'écouter le titre The Eye de Attraction Theory. Voilà. Allez, je te remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Reflected in the mirror of your soul. Voilà, Sylval, donc c'était Attraction Theory, hein, avec The Eye, c'est pas mal, hein. Ouais, super. Super. Ici, ouais. Ça bouge bien, ça chante bien, c'est bien rythmé, c'est bien cadré. Voilà, on les attend incessamment sous peu, enfin on espère les voir prochainement par chez nous. Bah écoute, j'espère. Oui. Le prochain, c'est Jono. Là aussi, c'est un album que j'attends avec impatience. Et là, on va s'écouter Crow. Crow, le corbeau. Je ne sais pas s'il fait ce bruit-là, le corbeau, mais enfin, bon, bref, j'ai jamais été corbeau dans ça, ma tête. Ça fait plus un chat, là, je trouve. Je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, le chat qui se fait bouffer par le corbeau. Parce que, bon, il y a des corbeaux qui sont. C'est pire que des je sais pas moi, des perroquets géants. Allez, Jono avec Crow. Eagles Voilà, donc c'était Jono avec Crow. Donc je refais plus mon bruit du corbeau. Non, ça fait plutôt un chat. Chat est trippé, j'en sais rien. Alors là, on va quand même jouer la slasher song parce que bon, voilà, ça le fera peut-être un peu réveiller, le petit slasher. Hein. Voilà, et après, on se retrouvera donc encore pour quelque chose. On arrivera tout doucement vers la première heure de terminer pour l'hommage à Malcolm. Hein. Là, on va s'écouter. Donc le slasher a choisi Vice avec Gluttony. C'est la slasher song d'aujourd'hui. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. et c'est le coup de triangle ou de cymbale. C'était bien entendu la slasher song d'aujourd'hui hein, que le slasher a décidé de nous choisir, et c'est Vice avec Gluttony. C'est vraiment bien. Ouais, hein. Ça bouge bien ça. J'aime Cobain, comme on dit. Donc c'est pas Steve Vai, ou alors il a changé. Non, c'est Vice. Je voulais te la sortir celle-là. Ouais, c'est Steve Vai. Il y a que Vai qui vaille aussi. Alors le prochain, avant de retrouver notre spécial hommage à Malcolm, juste avant, on va s'écouter un dernier titre. Après, on passera du côté d'AC/DC. On va s'écouter Bar Shake Skets avec Outre, et pour après, il n'y aura pas de balade crapuleuse. On enchaînera directement avec un hommage avec le grand monsieur Malcolm qui nous a quittés ce samedi. Voilà, c'est parti. Voilà, donc c'était Bar Sackett avec Outre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, en hommage au grand Malcolm Young, la deuxième partie de l'émission va être vraiment consacrée à ce grand monsieur, ce petit écossais. Grand, oui. Petit écossais, mais au grand talent. Beaucoup de gens disent, il nous parle d'AC/DC toujours. Les gens jurent que par Angus et tout ça. Il faut savoir que Malcolm est derrière pratiquement toutes les compositions de AC/DC. Angus, est là avec son image emblématique de petit écolier. Encore, c'est sa sœur qui lui a donné l'idée de faire le petit écolier. C'est un très très grand soliste aussi, mais toutes les rythmiques qu'on a l'habitude d'écouter chez AC/DC, c'est Malcolm Young qui l'a fait, quoi, qui était là derrière. D'ailleurs, ça s'est même ressenti moi personnellement, pour le dernier album Rock of Bust de AC/DC, où Michael n'était déjà plus là parce qu'il souffrait de démence, ça s'entendait qu'il avait plus la même recherche, la même aspiration. Je vais peut-être me faire des amis ou des ennemis, mais bon, voilà. Il y a des personnes qui, comme tout à l'heure Benoît, qui nous disait en témoignant qu'il avait vu AC/DC sans Malcolm, c'est pas AC/DC. Voilà. Ben oui. Alors on va commencer avec une chanson et pas après on interviendra avec un titre que tu as choisi aussi. Là on va commencer avec une chanson avec en hommage en même temps. On va faire les deux. On va faire une pierre deux coups en hommage aussi à Bon Scott. Avec It's a Long Way to the Top, extrait de l'album Aid Voltage des AC/DC. Donc là, j'ai repris une version remasterisée de 2003. Il faut savoir aussi que cette version de It's a Long Way to the Top sert aussi d'intro au groupe saxon. Voilà, parce que Biff dit que c'est un big groupe et AC/DC. AC/DC a bercé toute l'enfance de beaucoup, beaucoup de générations. Qui ne connaît pas AC/DC ? Qui ne connaît pas AC/DC ? Ah, et même possible. les bluesmen, parce que AC/DC ne s'est jamais considéré comme un groupe de hard rock, mais comme un groupe de rock. Blues, hein. Blues rock, voilà. Allez, c'est parti. It's a Long Way to the Top. C'est bien entendu AC/DC spécial hommage à Malcolm Young. Tu t'imagines la fête que ça doit être là en haut, en enfer, on va dire ça comme ça. Hein. Si on peut dire ça ainsi. Malcolm à la rythmique maintenant. À la base, on a Lemmy. Voilà, il y a plein de... ça doit être la folie là-dessus. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix à la guitare aussi en soli. Ça doit être la folie là-dessus. Quoi. Ah ouais, moi je pense. Hein. Puis toutes les nanas là qui sont... Enfin, on s'imagine déjà. Ah ouais. Allez, le prochain, c'est toi qui l'as choisi. Et tu as choisi quoi et pourquoi? Écoute, moi c'est l'un de mes titres préférés d'AC/DC, c'est Thunderstruck. Je vais te dire honnêtement, c'est beaucoup en l'hommage aussi de beaucoup de militaires que je connais. Tu sais que j'ai pas mal baroudé avec eux, on va dire. Et voilà, c'est ma préférée, je sais pas, je l'aime bien. celle-là qui me botte, et puis voilà. Voilà, et on va s'écouter donc Thunderstruck, extrait de l'album The Razor's Edge. Razor's Edge, c'est parti. Thank you. Voilà, donc c'était Sylvain, hein, ton choix. Thunderstruck de AC/DC. Voilà. Et ça bouge bien dans le studio. Hein. D'un coup, c'est ce qu'on se dit. On se dit, ouais, franchement, c'est indémodable, ce truc. Voilà. Je m'excuse, Yannick. C'est vrai qu'on est là au-dessus, bien entendu. Au chant, ben, notre ami Bon Scott, hein, bien entendu, qui peut s'éclater et retrouve son vieux comparse. Alors, le prochain titre que j'ai choisi, je l'ai choisi en version live, extrait de l'album If You Want Blood, You've Got It. Il s'agit de Let Be Rock. Morceau que j'adore, j'ai même une anecdote, je vais vous la faire partager, ça va peut-être faire enrager un peut-être plus d'un, hein. D'autres peut-être pas, parce qu'ils l'ont peut-être vécu aussi, c'est qu'à l'époque de la tournée du Ball Breaker Tour, à Anvers, on avait l'occasion, donc je suis allé le voir avec des amis, on était assis dans les gradins, et sur la chanson Let the Be Rock, à un moment donné, on a Angus qui sortait à l'arrière de la scène, montait dans une limousine, faisait le tour du parking VIP, et continuait son soli, et il y avait des écrans de chaque côté de la scène, et à un moment donné, en regardant l'écran, en le voyant bouger, on le voit remonter dans un gradin, et puis on se dit avec un ami, putain, mais c'est ces deux cons là qu'on voit à l'écran avec les autres, bah, il me semble que c'est notre gueule. Et on n'avait même pas remarqué tellement qu'on était figé sur les écrans, que Angus était juste à côté de nous, mais vraiment quand je dis à côté, on pouvait le toucher et qu'il continuait à jouer, quoi. C'est vraiment un rêve, d'ailleurs mon poteau qui était là, on avait les larmes aux yeux, quoi, pouvoir qu'on le voir, et t'es pire que des gosses, quoi, t'imagines voir ce petit bout aussi juste à côté de toi, c'est vraiment monstrueux, quoi. J'en profite aussi pour vous parler de Let the Be Rock. Pourquoi? Parce qu'on va vous présenter ici à la caméra Let's the Be Rhine, qui est quoi? Qui est tout simplement un vin bio rouge que Val va vous montrer comme ouais. Ça. Hein. Et donc on aura bientôt. Il est sorti malheureusement le 17. Le 17 de donc vendredi, il est sorti donc et c'est un vin bio que Music and Wine réalise. Et ce sera, donc, voilà, Sylvain vous le montre comme ça. Et donc, c'est un collector AC/DC. On voit même les petites cornes d'Angus que vous regardez sur la bouteille. Donc, ce vin, on va recevoir par téléphone la personne qui a créé ce vin. Il a déjà fait 4 bouteilles. Donc, on les a déjà eu une fois au téléphone pour Metallica, Rage Against the Machine. Et j'ai. Il y avait Motorhead, il me semble. Pas Motorhead, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, oui, je sais plus. Ah oui, il va faire la demande. Oui, il va faire la demande. Il y avait Metallica, Rage Against the Machine et Guns N' Roses, voilà. Et donc là, on aura l'occasion de vous faire remporter une bouteille. Il faut savoir que pour le moment, elles sont limitées à 500 exemplaires. Voilà, donc celle-ci, là, vous ne pouvez pas la gagner. C'est celle à Sylval. Ben oui, elle bosse aussi. Elle bosse aussi. Voilà, et donc on en aura une à vous faire gagner, les amis. Donc c'est Let the Be Rhine, en hommage bien entendu aussi à AC/DC, comme ils ont fait avec d'autres. Voilà, vous avez pu voir ce beau petit collector. Nous, en attendant, on va s'écouter Let the Be Rock. Ah là là, bon, let the be rock. Voilà, voilà. Et on a des commentaires, et ça, ça nous fait plaisir. Hein. Ouais. Voilà. Et voilà, Yannick qui nous disait quoi ? Si c'est pas Roya, je viens crever sur place à l'instant, quelque chose comme ça. Je m'excuse, je me suis déconnecté là, donc voilà. Donc c'est vrai, hein, c'est super. Hein. Ouais, tout à fait. Et même le slasher qui nous écoute, parce qu'il n'est pas présent aujourd'hui, hein, voilà, quand on est malade, on assume. Mais il dit, oh, Let the Be Rock, c'est une de ses préférées. En plus, il commence à savoir la faire, la guitare, donc il est super heureux. Et voilà. Le prochain, donc c'est une tournée qui était assez marrante parce que c'est Hard as a Rock, la tournée du Ball Breaker Tour que j'ai eu l'occasion aussi de voir. Mm-hmm. Vraiment pharaonique avec la grue qui se graissait, ça faisait mal aux oreilles. Et puis ils démolissent le mur et AC/DC arrive derrière. C'était pas. Ouf, voilà, c'était parti, c'est comme ça quoi. Bah ouais. Thank you. extrait de l'album Ball Breaker, Hard as a Rock, donc AC/DC. Alors voilà, Malcolm Young, lui est né le 6 janvier 1953 à Glasgow, en Écosse, et immigra avec sa famille en Australie en 1963, frère aîné d'Angus, et il quitte comme lui l'école très tôt pour travailler. Son frère aîné George, qui lui nous a quitté aussi il y a même pas un mois, vraiment l'hécatombe, comme on dit maintenant, c'est l'hécatombe totale chez les Young. On va toucher du bois pour ne pas qu'il arrive autre chose. C'est George qui lui a fait découvrir la guitare. Malcolm offre à Angus sa première guitare acoustique. Malcolm prend plus tard Angus comme guitariste, et on sait bien après la suite que AC/DC a fait, mais malheureusement le 16 avril 2014, suite aux informations, il a décidé d'arrêter, malheureusement pour des problèmes de santé. Je ne vais pas en parler, c'est pas du tout notre but de faire les médias qui aiment bien parler de ça, des paparazzi, des maladies. Je ne vais pas parler de son décès, tout le monde sait qu'il est parti ce 18 novembre à l'âge de 64 ans. Par contre, sa vie privée, parce que je tiens vraiment à le dire quand même, et pour ne pas non plus toujours entendre dire « oui, de toute façon, les groupes de rock, c'est des drogués qui pensent à aller à gauche, à droite ». Malcolm Young et Angus ont 5 frères et sœurs, Steve l'aîné, Stevie, Margaret, John, William, Alexander et George Young. Il est marié à Linda depuis 1979. Donc voilà, donc c'est bien la preuve que même en faisant des tournées et tout ça, on peut tenir le coup sur un mariage. Et c'était encore une belle preuve quand même. Hein. Depuis 1979, il était marié. Et il a eu 2 enfants, un fils Ross et une fille Cara. Voilà, donc je voulais vraiment signaler ce genre de choses, parce que marre d'entendre toujours du style « ouais, c'est des groupes de rock, ils vont à gauche, ils vont à droite, et patati patata ». Comme j'en entendais encore qui disaient « oui, il est mort parce qu'il faisait ci, il faisait ça ». Ben non, il est mort d'une autre maladie, pas du tout. Renseignez-vous, renseignez-vous, c'est tout ce que je peux dire. Renseignez-vous. Voilà. Le prochain, on va s'écouter, c'est « For To The Book To Rock ». Extrait donc de cet album, titre éponyme, c'est le fameux titre avec les canons. Et voilà aussi pourquoi on ne peut pas voir facilement AC/DC sur des festivals, autre qu'à l'époque où il y avait le Domington qui a été remplacé par le Donald par après. Pourquoi ? Parce que maintenant, AC/DC, quand ils faisaient leur tournée, il fallait installer tous les canons, les pyrotechnies et tout ça. Et donc, il fallait vraiment leur scène propre. Ils ne pouvaient pas mettre... C'est un peu comme Rammstein, la mise en scène de Rammstein, même s'ils font des festivals, la scène doit se monter une semaine avant et voilà, on n'y touche pas, quoi. Voilà. Mais AC/DC voulait leur scène propre pour les canons, les installer et tout ça. Voilà pourquoi aussi c'était comme ça. Allez, For To The Book To Rock, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est ici. We'll be right back. Voilà, For To The Bottle Rock, AC/DC, franchement un titre monstrueux quand même. C'était juste l'album après Back in Black et les gens avaient un petit peu peur en se disant, oui, Back in Black, c'est quand même quelque chose de phénoménal hein, avec Hell's Bells, Back in Black. Et bien franchement, un très très bon album que je vous conseille aussi, les amis. Le prochain titre qu'on va s'écouter, quand je dis que... c'est fort inspiré. Tout à l'heure, on a entendu un peu des solis qui sortaient un peu à la Chuck Berry, d'ailleurs. Ouais. J'ai eu l'occasion de malheureusement pas pouvoir faire l'interview d'Angus, bien dommage d'ailleurs. Mais j'ai lu une fois une interview où il disait, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, comme des fois je pose la question, quel est le dernier album que tu as acheté ou que tu écoutes? Ouais. Et lui, il dit, le dernier album de Chuck Berry, quoi. Parce que c'est vraiment ses racines. Ouais. Et on les entend dans tous ses solis, pratiquement. Hein. Voilà, et quand on pense que c'est notre ami... Malcolm qui avait pratiquement tout écrit en rythmique, chapeau bas. Et là, on va s'écouter plus côté un peu bluesy avec The Jack, donc AC/DC, en version live aussi. Ce que j'aime bien, les versions live parce que... Ouais, ça sort de l'ordinaire un petit peu. C'est ça. Et en plus, il y a de l'impro. Hein? Et ça, j'adore, quoi. That you might know. Song about a dirty woman. The song called She's Got the Jack. Yeah! Woo! But she gave it Wow, The Jack. Une chanson qu'on a repris tous et toutes quand on va en concert voir ACDC. Hein. Ouais. Très très bluesy, je vous l'avais dit. Encore une fois, donc on a des témoignages, ça nous fait super plaisir, aussi bien le slasher que Yannick qui est très fan d'ACDC. Ouais. On le connaît d'ailleurs. Alors on est un sacré fan. Ouais, un très très très. Bien, c'est simple, il a dit que tous les albums sont des pépites. Et il fait un peu comme Gollum, c'est mon précieux. Ah, voilà. Son précieux. Eh bien, Yannick, je vais te faire une petite confidence. D'ici quelques temps, on aura soit Monsieur Brelet ou Philippe Laja au bout du fil pour l'interview du deuxième opus du livre Tour de France des CDC. Pour un petit peu parler de cet opus. Voilà, donc tu es dans la confidence, mais ne le dis à personne, il n'y a personne qui l'a écouté. Le prochain titre, bah, c'est on ne peut pas ne pas jouer du AC/DC sans jouer le fameux titre Highway to Hell. Ah ouais, j'aime bien celle-là aussi. Voilà, et donc on ne peut pas passer à côté de ce titre et on va le passer maintenant. Alors là, dis-moi, quel groupe qui s'est lancé dans la musique n'a jamais repris cette fameuse chanson High Ritual? Moi, je l'ai fait aussi avec mon groupe, hein, donc je suis persuadé qu'il y a plein de groupes dans sa cave, dans son grenier, ou qui a fait chier les parents avec la chanson High Ritual pour la reprendre avec son groupe. Tout le monde l'a fait. Le prochain, on va s'écouter Who Made Who. Toujours donc des AC/DC. Ben oui, je vous l'ai dit, la deuxième heure sera consacrée à ce groupe mythique. Voilà, c'est Who Made You, hein, voilà, il reste encore deux titres et puis après on aura terminé, on aura fait le tour et oui les amis, ça passe vite. Là on va s'écouter Jailbreak et après on terminera avec un titre qu'on doit jouer, voilà. There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks on the chain gang. I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a change. Sky. I'm gonna make a jailbreak. Oh, I wish that I could fly. Voilà, donc c'était Jailbreak, hein, Sylvain, voilà, nous, il est bientôt l'heure de se quitter, et malheureusement. Oui, ça passe vite. Hein. Oui, et bon, en plus, spécial une heure, hommage à Malcolm. Spécial ACDC, ouais, bah oui, hommage à Malcolm, c'est vrai. Voilà, et donc, on espère ne pas devoir faire des hommages trop comme ça. Trop souvent d'hommages, ouais. Tout le temps, parce que des grands artistes, bah, malheureusement, c'est notre génération, et ça, ouais. Ça va commencer à tomber, bah ouais, quoi. Malheureusement. Ouais. Voilà, donc nous c'était Rive d'Enfer, spécial une heure de, d'hommage à Malcolm. Et je remercie tous les gens qui ont témoigné. Si on pouvait leur envoyer à la famille tous vos témoignages, je crois que ça leur ferait hyper plaisir. On va se renseigner, je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose de ce côté-là. On vous tiendra en courant, les amis. Et nous, on va se quitter. On se retrouvera la semaine prochaine avec le Slasher. On va se quitter avec la chanson Hell's Bells. Pourquoi ? Donc, de l'album Back in Black. Parce qu'à l'époque, quand ils ont sorti Hell's Bells, Brian Johnson venait d'arriver dans le groupe. Et quand on entend les cloches du début, c'est les cloches de l'enfer. C'était un hommage à Bon Scott qui venait de décéder. Mm-hmm. Et là, on va les jouer, on va les faire retentir pour Malcolm. Allez, ciao les amis. Ciao.